L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Le spectacle à nos enfants, ce train fantôme, disais-je entre parenthèses, ce sous-titre ou non, c'est Nicolas Struve, le metteur en scène, qui va nous indiquer tout cela. Juste préciser que ce spectacle, ça a été créé, il est en cours au moment où on enregistre cette émission, il est en cours de présentation au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, et cela jusqu'au 12 mars. Il sera présenté à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, le mardi 14 mars et le mercredi 15 mars à 20h30, ainsi que le jeudi 19 mars à 19h30. Spectacle qui mêle théâtre, film, chanson pour quatre personnages, deux couples d'amis, mais où les choses vont être un petit peu compliquées. L'occasion de nous plonger dans l'ordinaire de leur vie. Oui. C'est ça? Absolument. Alors, l'histoire. L'histoire, c'est deux couples en vacances avec, ils ont respectivement trois et deux enfants qui portent des noms très fantaisistes. Ils s'appellent Merveille, Anadiomène, Ministère du Budget, Service Public et Allumette. Ce qui donne l'occasion de, comment dirais-je, de quelques fantaisies orales, voilà. Par exemple, un des personnages dit « Tu veux m'étrangler ou quoi, Ministère du Budget ?» Bon, voilà. Ça permet de donner un sourire à certains moments. Donc ils sont là, ces quatre parents, ces cinq enfants et toute leur vie qui sont là cet été. Et il se trouve que le maire du village leur a proposé de faire un spectacle ou de participer à la fête du village avec un spectacle. Et donc ils font des essais de spectacles qui vont à un faux accouchement, à des interviews sur ce que c'est que de rendre les enfants propres, ou encore un couple qui raconte comment ils se sont rencontrés. Voilà. Le spectacle mêle le poétique, le trivial, la farce, le drame, l'angoisse, la tendresse. C'est dire qu'ils sont secoués par chacun leur parcours de vie, vie familiale, pas toujours simple. Je sais pas quelle vie familiale est simple, je sais pas quel parcours de vie est simple. Je connais très peu de parcours totalement linéaires. Enfin, il y a des gens qui ont la veine d'avoir été à l'école, d'avoir fait des études, d'avoir trouvé un travail, d'y être resté jusqu'à l'âge de la retraite, et puis d'avoir connu une vieillesse paisible, heureuse, entourée de petits-enfants. Mais pour beaucoup de gens, la vie est souvent un peu plus étrange. On fait plusieurs travails, on a parfois plusieurs amours, on a des enfants, on n'en a pas. Enfin, bon, voilà, il y a ce qu'on appelle les accidents de vie. Donc, toute vie est... Puis c'est comme ça, c'est la destinée humaine est bousculée. Et donc, le spectacle est là pour essayer d'en rendre compte, et d'en rendre compte de manière plutôt souriante. C'est-à-dire de ne pas faire drame de tout. Bien au contraire, que... Voilà. Derrière le drame peut se cacher des situations cocasses, comiques, voire même... Ben, j'ai une sorte de conviction d'abord que la vie, on la traverse, il vaut mieux la traverser que le sourire aux lèvres, même quand c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est une vieille sagesse, on ne s'apitoie pas sur son propre sort, ça vaut mieux. Puis d'abord, ça permet aussi de le voir positivement, son propre sort. Pour traverser la vie, c'est là où apparaît le train fantôme ? Alors oui, il y a quelque chose comme ça, pour traverser la vie, il y a du train fantôme, on est toujours surpris, toujours étonné, enfin, faut espérer qu'il y a de la surprise dans la vie, qu'il y a des... C'est pas seulement des fantômes qui apparaissent, c'est parfois des fées, c'est parfois des choses totalement inattendues. Et puis le spectacle lui-même s'est voulu un peu comme un train fantôme. Moi, j'ai beaucoup pensé à la fête foraine en le faisant, j'ai beaucoup pensé aux attractions foraines. Et puis on passe du tir à la carabine au grand 8, et puis du grand 8 on va faire la pêche au canard avec les enfants, et de la pêche au canard on va manger des frites. Mais ça ressemble aussi un peu à la vie, où la vie est, me semble moi, que notre vie est pleine de diversité, et je suis pour cette diversité là Là, quand on dit effectivement les épreuves de la vie pour la vie familiale, par exemple, c'est la difficulté d'être père et mère, c'est des sujets qui nous parlent à nous tous. Ben, je ne sais pas qui m'écoute, mais s'il y en a qui disent ici que c'est extrêmement facile d'être père et mère, j'aimerais bien qu'ils m'envoient une lettre et leur secret, parce que ça me ferait plaisir. Donc des sujets effectivement très... pour le coup, c'est universel quand on aborde ces sujets-là. On parlait au départ d'un spectacle pour la fête du village. Ils vont y parvenir ? Oui, ils parviennent à faire un spectacle pour la fête du village qui n'a rien à voir avec les essais qu'ils ont fait jusqu'à là et qui sera une sorte de fable d'un enfant, une fable un peu actuelle, d'un enfant qui sera jeté à la mer et qui va se demander pourquoi est-ce qu'on jette à la mer alors qu'il a encore tant à vivre. Spectacle qui mêle théâtre, film, donc avec des projections sur scène, des images comme alors, ça. Alors évidemment, les enfants ne sont pas là. Les enfants ne sont pas réellement présents au plateau. On leur parle. On parle à des enfants, mais qui ne sont pas présents au plateau. Et pour quand même rendre présent l'univers de l'enfance, on a réalisé des films où on filme des enfants en train d'essayer d'attraper une pomme dans un aquarium, en train d'essayer d'attraper des bonbons dans une assiette de farine. Enfin, ces jeux enfantins qu'on fait toujours dans les fêtes d'anniversaire, etc. Et on les voit en très gros plan et ils nous réjouissent, quoi. Donc, spectacle où il sera question également de chansons. D'ailleurs, dans la suite de cette émission, on va en découvrir une d'entre elles, je suppose. Non, on va pas découvrir une chanson du spectacle, parce que le spectacle, il faut venir le voir. Et les chansons sont extrêmement belles. Elles sont signées Armelle Dumoulin, qui est une voix qui monte dans ce qu'on appelle la chanson indie. Indépendante. Non, j'ai choisi une chanson de... Je me demandais s'il fallait faire entendre une chanson du spectacle, puis je me suis dit non. Et je vais faire entendre une chanson d'un groupe qui s'appelle Sound Massilia System, un reggae. Alors c'est une chanson un peu âgée, mais j'ai beaucoup aimé le refrain qui, à sa façon aussi, résume le spectacle. Alors je vais vous le dire: à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires, à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Et le spectacle est vraiment, au fond, ne raconte que ça. D'accord. Une écriture, avant d'écouter cette chanson, il s'agit d'un spectacle qui est construit sur une écriture collective. Alors c'est un spectacle, non, j'ai initié le projet et j'ai proposé à chacun d'amener des textes sur ce thème qui est celui de la parentalité, de l'enfant, etc. Et les comédiens ont amené des textes, essentiellement des textes de souvenirs d'enfance, des souvenirs de ce qu'ils étaient enfants, et puis ou sur l'enfance, et on y a tissé beaucoup d'histoires entre ses parents. Voilà. Juste pour la distribution de ce spectacle, je vois le nom de Stéphanie Schwarzbrod. Nous avions eu l'occasion de la croiser sur cette antenne dans le cadre de l'apostrophe l'émission pour le spectacle Sacré, Sucré, Salé. Donc une complice aussi dans ce travail théâtral pour vous. Ah oui, tout à fait. C'est le quatrième spectacle que je fais avec Stéphanie Schwarzbrod, que je trouve une comédienne exemplaire et admirable.